As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles au rendez-vous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous pour ce 95e épisode de Subversion, édition du 25 août 2017. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, qui vous tient en compagnie au moins pour la prochaine heure et demie, hein, sur le stream en différé de SoundCloud, puisque pour le live, j'ai pas eu de nouvelles encore pour Underground Québec Radio. Ça semble être un peu comme certains chantiers sur la planète Montréal. Ça s'étire, ouais. Et même en dehors, un petit peu en dehors à Laval, là. Oui, c'est le festival des cons orange encore. Et ouais, c'est ça. J'ose pas imaginer ailleurs. Et à preuve, la semaine dernière, il a fallu user de ruse pour recueillir chez lui le bourreau 2.0, Simon Girard. Oui, il a fallu contourner, il a fallu s'aventurer dans un labyrinthe de cons orange. Tout près du stade, tout à fait symbolique et en symbiose, le stade Les Cons Oranges, oui. Ben, en fait, ouais, pour recueillir le bourreau 2.0 Simon Girard pour ce Metal for Breakfast et l'amener chez Jerry Smoke Me pour rejoindre notre ami Mike TMG à sa table, ben, la table qui nous était attitrée, la table numéro 51, Area 51, ouais. Et, ben, c'est ça, l'épisode en question, le spécial pain pour ce Metal for Breakfast. Avec les deux comparses, toujours disponible en ligne sur SoundCloud, l'émission de la semaine dernière, numéro 94. Et puis, ben, cette semaine, que nous réserve-t-on? Ben, toutes sortes de musiques subversives, c'est une période de plus de 40 ans. On va se promener en 1975 et 2017. Avec entre autres des choix relatifs à la chasse au vinyle que suivit le Metal for Breakfast de la semaine dernière avec Simon et Mike. Particulièrement, on est allé au Frisson, on est allé également au nouveau Vinyl Shop, hein, sur Mont-Royal, juste en face. Alors c'est un peu le résultat en micro et en musique de la suite de ce Breakfast, de cette chasse au vinyle qu'on va entendre. Justement, les résultats de ces... tout simplement, un rapport sur les trouvailles qu'on a fait ici et là, durant la semaine, et cette journée-là en particulier, dimanche dernier. Également, donc c'est ça, il y aura un bloc consacré à cette partie-là. Également, on va avoir un petit bloc hardcore, un petit bloc death metal, un petit bloc rock progressif des années 70, et puis on va revenir avec du death metal. Alors ça va se promener vraiment de tout bord, tout côté, un peu partout dans la spatio-temporalité. Bon, je peux dire ça comme ça. Pourquoi n'y allons pas tout de suite? Question de se tremper dans le heaviness et dans la subversion avec trois formations de death metal tout aussi différentes les unes que les autres. D'abord, les Norvégiens de Cadaver. Ouais, c'est un avec un succès. Bon, c'est pas un succès souvenir, c'est plutôt une obscurité qui est parue il y a 25 ans. De l'album In Pains, dans les pains, ouais. Également, cette formation de Philadelphie, Horrendous, avec une pièce qui est tirée d'un album qui ont fait paraître il y a 5 ans. Eux qui avaient fait paraître un album l'an dernier, hein, et qui... c'était l'année passée, là, l'an dernier? Non, c'était en 2015 qu'il avait fini dans le top 15 de subversion, Anaretta. Alors, on va revisiter une pièce de leur album de Chills, de 2012 cette fois. Mais d'abord, Emperor. Et on va entendre une de leurs grands classiques de leur album, Anthems to the Walking at Dusk, mais version live en 2006, lors d'un concert à Oslo qui a figuré sur le Live Inferno qui est paru quelques années après. Et pourquoi ce choix? Ben, c'est parce que j'avais été encore transcendé par cette prestation qu'ils ont donnée au Hellfest il y a quelques semaines. J'avais essayé de prélever un extrait de la pièce en question du Hellfest, puisqu'ils jouaient justement l'album Anthems dans son intégralité pour les 20 ans de cet album. Tout comme ils l'avaient fait en 2014 avec l'album 94 In the Night Side Eclipse. Mais finalement, il semble qu'ils ont eu quelconque autorité, ont retiré la pièce en question, c'est-à-dire le concert en question. Alors, tout de suite, on y va avec The Loss and Curse of Reverence, qui a été la pièce d'introduction pour moi à Emperor à l'époque, via une compilation française. Alors, tout de suite, cette version live en 2006 à Oslo, Emperor à Subversion Zone de Grand Québec Radio. The Loss and Curse of Reverence. Que je constate que la disque m'a finalement trouvé une catégorie vétérane. Merci, ma gang de cyborg. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. La prochaine chanson, le galop, Non, je n'irai pas au galop de disque. J'ai croisé des gens les plus insignifiants et des chanteuses à grosses boules. Tu parles d'un hostie d'innocence, mon oncle Serge. Va demander au sacrement ce que je crissais dans cette foule. Thank you. Ouais, ça finit un peu comme Master of Puppets, je pense. Ça finit de même. Là. Ouais, on a entendu Cadaver, hein, formation norvégienne, de leur album In Pains de 1992. L'extrait s'intitulant Bypassed. Formation qui, à l'époque, ouais, c'est paru sur Erakes, hein, hein, mais ça me, moi, j'ai, ça a complètement passé inaperçu, du moins pour ma part. Je me souvenais de leur premier album avec leur logo et tout ça. Je trouvais une pochette horrible avec un nom qui m'inspirait pas plus. J'avais complètement, je sais pas, je m'étais complètement attardé à autre chose à l'époque. Il y avait amplement de choses à s'attarder, on s'entend là-dessus, le death metal est en pleine expansion. C'est tout récemment que ben notre ami Phil Touga de First Fragment, hein, lui qui s'attarde beaucoup à des formations obscures de cette époque-là, dans le death metal, qui m'a comme par la bande suggéré une pièce de cet album que j'ai choisi, Bypassed. Et faut dire que oui, c'est du matériel pertinent, qui sonne très bien pour l'époque et qui, avec des arrangements franchement intrigants. Et de par le maître d'œuvre de ce projet, Anders Holden, alias Neddo, un vétéran quand même, de 45 ans aujourd'hui, ce fameux Anders, c'est lui qui organisait, je ne sais pas s'il le fait encore, ce qu'il appelait le Black Metal Bus Tour à Oslo, qui montrait aux touristes comme ça des endroits clés, si on veut, de tous les incidents qui sont survenu lors de cette vague successive de tragédies entre guillemets qui avait été largement médiatisée là-bas en Norvège en rapport avec la scène de black metal. Hein. Également, il sert de relais à des historiens ou des diplomates norvégiens plutôt. Il sert en quelque sorte de communicateur, si on veut, en termes d'histoire du black metal, à ces fameux diplomates qui, semble-t-il, font du black metal un devoir pour eux d'en apprendre plus. Et c'est la preuve, encore une fois, que ce qu'on appelle le black metal export là, de Norvège, c'est une exportation qui est, comment dire, ben, substantielle et représentative de la culture là-bas. Et en voici la preuve. Leur dernier album, Cadaver, date de 2006, Necrosis. J'ai pas entendu ça, je pense que c'est une reformation. Ils ont seulement sorti trois albums, Cadaver, c'est une période de quoi, 15-16 ans. In Pains était leur deuxième à ce moment-là. C'était précédé de Horrendous, formation de Philadelphie que j'affectionne particulièrement. On a entendu une pièce de leur premier album de Chills en 2012, la pièce avec la pièce de Somber. Ça faisait un petit peu Swedish Metal sur les bords, mais on c'était pas juste « Ah oui, on a ce son-là, et voilà, c'est tout », mais non. Non, il y a beaucoup plus, non? Horrendous. Formation que j'ai pu voir finalement sur scène avec Obituary et Creator au Club Soda en avril dernier, c'est même à Montréal. J'avais été vraiment captivé par leur performance et également leur enthousiasme, vraiment qui déteignait de leur... Ouais, justement, de leur performance et également de leur expression sur leur visage. Vraiment un band à voir. Et, ouais, comme je disais, leur dernier qui datait de 2015, Anaretta. En tout cas, pour les amateurs de ce genre, à surveiller Horrendous. J'aimerais bien les revoir live en concert bientôt. Et en début de bloc, Emperor avec The Loss and Curse of Reverence. Une des pièces marquantes, hein, de Anthems to the Wilkin at Dusk de 1997. Mais interprété ici en concert en 2006 au festival Inferno à Oslo, en avril, événement qui avait eu lieu, oui, en avril 2006. C'est paru sur Live Inferno quelques années après, en 2009, je pense. Et, ouais, puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ben c'est ça, c'est inspiré de ce que j'avais vu dernièrement sur le streaming en direct du Hellfest. Ah non, c'était au Stowaken, j'avais dit au Hellfest tantôt. Hellfest en 2014. C'était au Wacken, il y a quelques semaines, cette performance qui avait été rediffusée. C'était vraiment cool de voir ça, les 20 ans d'Anthems of Wilkin at Dusk. Avec Izan, hein, qui aura 42 ans seulement, je crois, pour oui, le 10 octobre prochain, qui sera mon anniversaire également. Alors, nous partagerons cet anniversaire, moi, Izan, et le gars dans Frontline Assembly, dont je me rappelle plus du nom. De son nom ne me revient pas, là. C'est quoi, donc? Rice Filber, c'est ça. Ouais. On est tous... Oui, c'est ça. Alors, ce sera bonne fête à nous tous. OK. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier bloc musical plutôt extrême. On va y aller du côté du hardcore punk maintenant. Oui, un peu inspiré de mes choix du dimanche en matière de hardcore des années 80. Et également ceux de Mike Patton qui était récemment invité à l'émission de radio de Henry Rollins sur KCRW. Santa Monica. Henry Rollins qui anime une émission hebdomadaire. Et il avait invité Mike Patton non pas seulement à se présenter au studio, mais à y aller d'une playlist vraiment là qui allait, comme il disait lui-même, that goes all through the record store. Alors, il y avait vraiment de tous les styles. Et parmi ceux-là, deux formations que j'ai retenues, Bad Brains, hein, et également Tirvit Kadett, des vétérans finlandais en Finlande qui se sont séparés l'an dernier, ont fait paraître un album, tout dernier album en 2015, nom de Lapin Helvetti. Lapine comme lapin. Et alors, on va entendre deux pièces de cet album. Également une pièce de Bad Brains, hein, de leur début en 82. Mais d'abord, Oscar Doo, c'est pionnier du Minnesota. Une formation fondée en 1979 et qui est perçue comme justement une des formations pionnières du mouvement punk, mais également formation qui, selon certains observateurs, ont réussi à convaincre l'underground que la mélodie et le punk pouvaient justement faire un. Alors, c'est ça. Et fortement influente plutôt, en termes de jeux de guitare pour un nombre de formations underground, justement, et indépendantes et tout. Alors, tout de suite, on y va avec ce bloc de quatre pièces. On y va tout de suite avec Oscar Doo, Signals from Above, de leur premier album studio. Oui, parce qu'il y en avait eu un live avant ça, mais c'est le premier en studio, en 1983, de Everything Falls Apart. Signals from Above, subversion. J'ai beau regarder en dessous ses côtés, j'ai même pas vu des mains, rien, puis la table, elle se promenait. Hey, la table se promenait, trois choses, la table leur volait quasiment dans le front. Ben oui, tu sais. Qui sont les paroles du message subliminal obtenu en message par le La table bougeait tellement là, que d'après moi, l'esprit est en beau calvaire. Puis ça se parle quasiment deux fins de semaine à travers ça. Ah oh ben moi, je pense que je vais croire à ça. Je pense que j'ai vu la table brasser comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce connerie-là? C'était de ridicule. Ridicule. C'est de la bullshit, OK? Ouais. Into the fearful state of the undead. Ça fait du bien d'entendre ça, Bad Brains, hein? C'est légende, le groupe légendaire de Washington D.C. s'est fondé en 1977. On a entendu l'extrait Pay to Come de leur album éponyme Bad Brains, le premier album studio de Bad Brains en 1982. Et cette pièce directement inspirée du choix de Mike Patton à l'émission de Henry Rollins sur KCRW, une station Santa Monica qui couvre la région de Los Angeles, c'est ça depuis 1945, hein? Pièce qu'il a choisie dans un répertoire immense. Henry avait demandé à Mike de lui suggérer un playlist musical pour remplir une émission de 2 heures. Et connaissant le personnage de Mike Patton qu'il est, vous pouvez figurer le genre de playlist que ça pouvait être. Hein? Et M. Rollins avait averti son auditoire au préalable en disant « It goes all through the record store ». En voulant dire que oui, ça passe, ça peut passer de Brel à lui jusqu'à Dee Crozen, en passant par justement The Bad Brains et Tervit Kadett, là, les vétérans finlandais qu'on a entendus juste avant. Par rapport à Bad Brains, un journaliste à l'époque qui les avait vus en concert, il avait comparé leur performance à c'était comme si c'était James Brown qui virait fou allié avec un répertoire hyper kinétique de plongeons, de black flip, de split, de spins et de toutes sortes de choses. Alors, ouais. Et puis, c'était à l'époque de HD, hein? C'est ça, HD, son nom? HR, désolé. Qui voulait dire Hunting Rod, le vocaliste. Ou Human Rights. Un bonhomme qui est né en 1956 et qui portait le nom, mais ça c'était son nom de scène, hein? HR. Son vrai nom, Paul Hodgson. Et accompagné évidemment du guitariste Dr. No, le bassiste Daryl Jennifer et le batteur Earl Hudson à ce moment-là. Ouais, le journaliste en question, c'était un journaliste de Village Voice de New York. Donc, choix inspiré de Mike Patton et épisode 436 sur KCRW, pour ceux que ça intéresse, cet échange entre ces deux vocalistes. Ben, on peut s'imaginer ce que c'est, ce que ça peut être. En tout cas, c'est fort intéressant, je peux vous le dire. Et on peut pas s'attendre à rien de moins imaginer un échange entre un ancien Mr. Bungle et un ancien Black Flag comme ça. Ouais. Avant ça, comme je disais, Tervit Kadett, une formation finlandaise au début des années 80, ont cessé leurs activités l'an dernier, après avoir pondu un dernier album du nom de Lapin Helvetti, dont Mike Patton, justement, a également choisi une pièce de l'album. Il avait choisi Brutali. J'y suis allé avec Verinen Jesus et Tapa Usko. C'est cet album qui est paru en 2015. Une autre formation quand même influente dans le monde du hardcore, même mondialement. Il s'est paru sur Svart Records, cet album-là. Alors, autre choix de Mike Patton à l'émission de Henry Rollins. Et en début de bloc, Oscar Doux, un autre band pionnier du genre, band du Minnesota. Et on a entendu Signals from Above de leur premier album studio. Il y a eu un live avant ça, mais celui-là en studio, Everything Falls Apart, de 1983. C'était encore assez discordant quand même. C'était avant la période plus mélodique qui a inspiré bon nombre de bandes dans l'underground et même au-delà, à incorporer la mélodie dans le punk et justement avec et également avoir un souci de sophistication peut-être au niveau des guitares dans le punk, ce qui n'était pas toujours le cas, mais on pense aux Pixies d'ailleurs. Et puis c'est ça, ils ont influencé Légion de formation dans le même, un peu dans le même style ou le même dérivé. Ouais, c'est ça. J'avais autre chose à dire par rapport à Skurdoo. Je me rappelle qu'Antrax avait repris une pièce. Le titre m'échappe. Ouais, c'est ça. OK. Comme je disais, il faut aller en pause. En pause publicitaire pour faire plaisir à nos commanditaires, évidemment. Même si on n'est pas sur Underground Québec Radio en ce moment même, il faut quand même leur faire plaisir. Alors, allons-y avec cette pause. On revient. Je vous reviens avec le bloc consacré à la chasse au vinyle post-breakfast de la semaine dernière. À tous les débrouillards qui, par leur enthousiasme et leur détermination, nous assurent à chaque match des expos un spectacle du tonnerre. La BAT 50 dit bravo! Tu trouveras jamais de meilleur monde, la BAT 50. À tous les débrouillards qui savent reconnaître le goût supérieur de la 50, chapeau! Tu trouveras jamais de meilleure pierre, 50. Ouais, au risque de déplaire à la famille Labatte, désolé, je suis en train de boire de la Bex en ce moment, pas cette bière allemande. Je remercie Jean-Pierre Fortin de Dev Dealer en passant de m'avoir initié à la Bex. Cette, oui, très bonne bière que j'aime beaucoup boire à la maison, en particulier au studio. Petite pub pour Bex. Bon, voilà. Alors, comme je mentionnais avant cette pause, voici ce mini spécial consacré à cette chasse au vinyle qui a eu lieu tout de suite après le Metal for Breakfast avec nos amis Simon Girard et Mike TMG. Et tout de suite après notre petit séjour à la table numéro 51 du Jerry Smoke Meat, on s'est dirigé rue Mont-Royal sur le plateau, comme ça, afin d'aller visiter non pas seulement notre ami René Larose chez Frisson, mais également l'autre côté de la rue, le nouveau Vinyl Shop, le nouveau magasin de Martin Desgroseilliers, l'ancien propriétaire du Planète Claire sur Saint-Denis, qui a décidé de joindre ses forces avec un propriétaire de bar, en tout cas ici même à Montréal, avec un concept vinyle et bière qui, semble-t-il, ressemble à ce qu'on peut retrouver à Brooklyn notamment, à New York, à deux ou trois endroits comme ça, là-bas. Alors, c'est un concept comme tout nouveau ici. Et puis, on en a profité pour aller rendre une petite visite et savoir. Vous saurez comme ça que, justement, en tout en propos et en musique, quels ont été nos coups de cœur en termes de nouvelles prises, en termes de vinyle? Ben, que ce soit cette journée-là, hein, ce dimanche après-midi-là en particulier, ou dans la semaine justement qui a précédé. Alors, on se transporte tout de suite chez Vinyl Shop sur rue Mont-Royal. Et voici maintenant la chronique de Michel Monette. The Metal Guy. En direct du Vinyl Shop sur Mont-Royal, nous revenons de notre déjeuner chez Jerry Smoke Me. Et on a eu l'idée comme ça spontanément de d'enregistrer une petite capsule concernant ce concept quand même assez unique hein, sur cette planète Montréal. Quel concept le Vinyl Shop qui s'est allié avec le West Shepherd, le West Chester Fire Shepherd Pub. Oui. Bière et vinyle. On voulait parler un petit peu de nos dernières acquisitions en vinyle et ou ce qu'on a observé, ce qui nous a tenté, que ce soit ici au Vinyl Shop ou l'autre côté de la rue, parce qu'on a été voir notre ami René chez... Chez Arden? Ben non. Oui. Chez Frisson, hein? Alors, Mike, justement, qu'est-ce que tu t'es procuré, l'homme aux multiples rééditions? Je me suis procuré des rééditions. J'ai acheté des affaires que j'ai déjà, comme un câble. Fait qu'aujourd'hui... Juste tout court. Oh, un des deux. Un mélange des deux. Un habit hybride entre les deux. Fait qu'aujourd'hui, j'ai acheté une édition en black vinyl. Deuxième album de Atheist, Unquestionable Presence. Version Season of Mist, version black vinyl. Fait que je pense que c'est ma 8e copie que j'ai dans les mains. Pourquoi? Parce que... Et puis, c'est ça. Fait que, elle est sûrement pas remastered. Elle est sûrement pas... Il n'y a pas de bonus. C'est juste un pressage en vinyle parce que le pressage active original est plus dispendieux. Fait que je l'avais devant moi. Fait que je l'ai consommé. Fait qu'éventuellement, il sera disponible sur ma page un samedi éventuel à venir. Ensuite, j'ai aussi acheté une autre affaire, une autre vieillerie qui date depuis 90. Fin 80 plutôt. C'est le premier album de Nepandeath, l'album Scum. Ça, c'est sur l'étiquette E-Rate, l'étiquette britannique qui a vendu le grindcore et le death metal partout autour du monde. Mm-hmm. Ce qui est le fun de ce pressage-là, c'est que c'est un pressage FDR, Full Dynamic Range. Alors, c'est pas remasterisé, c'est vraiment un repressage Direct Master to Vinyl. Et puis, Scum, c'est la naissance du grindcore. Avec les blast beats, les tunes de oui. La tune de 1 seconde, puis de 20 secondes, de 35 secondes, etc. Alors, je ne l'avais pas en vinyle, je l'ai plusieurs fois en CD, puis une fois en cassette. On peut voir d'ailleurs sur la photo de la pochette arrière, c'est Bill Steer, hein, à oui. 14 ans. Bill Steer, on a aussi. Il n'est pas vieux, en tout cas. On a aussi Mick Harris. Justin de Godfrey. Puis on a. Il joue en quelque part. Il joue là-dessus. S'il avait des cheveux, je ne le reconnais pas. Lui, il a l'air de Jimmy Page. Je ne sais pas c'est qui. Effectivement, on reconnaît aussi Lee Dorian, pré-Cathedral, bien sûr. Alors, ça, c'était le premier album. Scum. Et finalement, côté réédition, on continue aujourd'hui avec Venom, un autre groupe britannique. La version, c'est leur troisième album, At War with Satan. Fait que ça, c'est un gatefold réédition sur le label Back on Black. Le label Back on Black, ça appartient à Plastic Head, PhD pour les intimes, qui est aussi un label britannique. Eux sont spécialistes dans la réédition de vinyle. Fait que le trois quarts des vinyles que vous trouvez aujourd'hui, metal ou hard rock, sont pressés par Back on Black. Alors, ça. Fait que je l'avais pas en long jeu. Fait que là, je l'ai en long jeu. Et puis, ceux qui connaissent l'album At War with Satan savent que la première tune, ben, c'est At War with Satan qui dure 28 minutes. Fait que c'est un côté du disque. Mais là, c'est un gatefold. Fait qu'il doit avoir 52, je pense. Quelque chose de même. Ouais. Il est pas écrit en arrière. Mais en tout cas, le track listing est à l'intérieur. Probablement, si tu veux, il faut avoir la grosse croix en feu là, avec l'espèce de speech là, vers la fin de la chanson. En tout cas, je l'espère pour toi, parce que même l'édition Banzai, c'était ça, c'était une belle pièce. Ça a été le premier que Banzai a sorti. Puis, je me rappelle la date que je l'avais acheté, le 10 juin 84. Et voilà, c'est juste, je vais juste glisser ça en passant. Toi, Simon, de ton côté, je vois que tu as les mains vides, mais tu as certainement eu quelques tentations ici et là dans les bacs. Aujourd'hui, non, malheureusement. Mais la semaine dernière, j'ai fait quelques petites trouvailles intéressantes. Tout d'abord, j'ai commencé ma semaine avec le EP de Nuclear Assault The Plague, en édition originale de jadis, Combat Records aux États-Unis, avec tous les artifices qui venaient avec, en super bel état, très belle trouvaille, très bien content. Et c'était une semaine de Nuclear Assault parce que, ici même, au Vinyl Shop, j'ai pogné Game Over, version canadienne sur Cobra Records. Je savais même pas que ça existait. Tu connaissais Cobra, toi, Michel? Oui, j'ai un Scream Bloody Gore Cobra Records, qui est une compagnie torontoise cheapos, mais okay. Ça m'est de là. Et toi aussi, Sylvain, tu connaissais? Oui, oui, il y a eu Merciful Fate là-dessus. Je pense que Razor a suivi les albums là-dessus. Je pense que oui. Grosoir. Ouais, Grosoir. Les beaux Canadiens qui ont des bons albums qui ont été licenciés sur Cobra, quand même. Ben, c'est mon premier Cobra. Puis aussi pogné crossover de Lee Array, édition canadienne, elle aussi. Fringe, j'imagine. Ouais, Fringe, exactement. Et puis aussi la terrible Certainité de Creator, version UK. Puis, Creator sans tonnes de pain. Sans tonnes de pain, malheureusement. Non, c'est un peu triste, mais le pain est infini, donc. Il a probablement transcendé sur ce disque-là. Ouais. Malgré tout. Donc, c'est ça, mes trouvailles de la semaine, cette semaine. Don't worry, I'll go with your heart. explicit thing stating, we love this live action drama. And the winner is Peter Frampton. I'd like to thank Satan, I'd like to thank Louis Armstrong, I'd like to thank Neil Young, I'd like to thank the Rollins Band, I'd like to thank Bob Marley, I'd like to thank the Martin Brothers, I'd like to thank Salvador Dali, I'd like to thank Louis Buell, yes, it's come on, and I'd like to thank you too. Moi, pour ma part, j'ai quand même été sage. J'ai vu quelques trucs de Yes, Underground Generator, qui m'auraient intéressé. J'étais plus ou moins... J'ai passé mon tour, mais... mais le Possess, il était comme un petit peu comme en deux parties. C'est ça. C'est comme Beatles 1 et 2 de Halloween, sauf que c'est un seul album. Ça marche pas. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait l'état du disque ou de la pochette ne reflète pas nécessairement soit son prix ou nos attentes. Bref, je suis allé avec un album d'autre chose. C'est mon premier autre chose en vinyle, un groupe québécois mythique quand même, avec Lucien Francoeur. Qu'on voit ici dans la pochette arrière. Non, Ben là-dessus, il y a entre autres Nancy Beaudoin, Sex Fiction, deux chansons que j'aime bien. Il y a Vancouver, Une nuit comme une autre, Ambulance Franqueur, etc. Ça n'a jamais été réédité, sauf en CD il y a 2-3 ans, sur une espèce de comment on appelle ça, un multibox, là, un coffret, oui, c'est ça, oui, qui a été lancé il y a 2-3 ans. Puis, ben, c'est ça. C'est mon premier autre chose en vinyle. Très belle pochette, tout ça. Sur CBS. Exactement, sur CBS. Et Jethro Tull. J'avais juste un Jethro Tull en vinyle qui est Benefit. Et là, c'est un live qui s'appelle Bursting Out. Je pense que c'est la même année qu'autre chose. Ça se peut-tu, ça? C'est sorti sur Crazy Alice Records? Ça, c'est 18. Ça, 18, OK. C'est un album double, puis il a l'air d'enfermer pas mal de classiques, puis pour avoir déjà entendu Jethro en concert à cette époque-là, ça sonnait très bien quand même. Je pense que John Anderson s'en a toujours entouré de très bons musiciens, alors un peu à l'instar de Frank Zappa, j'ai pas d'inquiétude par rapport à l'expérience que ça va me procurer sur vinyle, cet album-là. Bursting Out de Jethro Tull. Et là, Simon vient de m'amener une vinyle. Un album bonus que oui. Je n'achèterai pas, mais qui fit très bien avec la thématique du jour. Le groupe Dr. Crochet, Dr. Hook, avec l'album Plaisir et Pain. Ouais. Je ne connais pas Dr. Crochet, mais avec un album comme Plaisir et Pain, ça peut pas être mauvais. Même à 4$, ça t'a pas tenté de l'essayer? Non. Il a préféré se prendre une bonne... Ouais, la pinte a pris l'argent de l'album de Dr. Crochet. Alors, il est allé pour le breuvage plutôt qu'un album de pain, finalement. Bon. Et puis, à part de ça, qu'est-ce que j'ai vu quand même intéressant? Ah oui, Anthrax Spreading the Disease. Édition Megaforce, mais je n'étais pas sûr et certain de la condition. Bon, après maintes hésitations, ben, je suis allé de ces deux pièces-là. C'est pas mal ça. Il y a un Triumvirat aussi chez Frisson qui m'a tenté, mais bon. Alors, c'est pas mal ça. Je veux souligner aussi que Sylvain a laissé passer un Hello Waits Banzai. Merci. Oui. que j'avais eu à l'époque là grâce à toi au Metal Fest il y a 2 ans, je me trompe pas, on avait trouvé une édition une réédition anglaise version Mocha, Splash Mocha vinyl qui était très bien d'ailleurs. Alors je pense que je suis comblé oui, absolument. Ouais. Bon, mais c'est ça, c'était le petit reportage, on dirait, du Vinyl Shop pour notre aventure audiophonique sur Mont-Royal. À la prochaine. Au revoir. Bye. Overdose d'amour, ma fin du monde. MC Baudouin. Chérie, veux-tu être ma Barbie en vie? Veux-tu être ma Maggie McGill? Ma blonde Céline. Chant sauvage, fille en chaleur. Mon chant de peau, mon sentier de guerre. Mon overdose de vie, ma fin du monde. T'es ma sortie d'urgence. Vous avez suivi Mouton. Pour la vie, peuple à genoux, implante t'es une grosse marde. Pardon? Gros Christ d'État. Ben, sacré, sacrement. T'es une grosse marde. Lâchez-vous pour une fois dans votre vie. On est là pour vous aider à vous émanciper. Death Metal en 92, c'était dans son apogée, mais il y avait Dark Angel qui déchaussait, là, mais des fois, là, il y a du monde qui les trash de Chaoui, regarde ça, ils disent, top, gang de mon gars. Let's kick the news, boy. I'll make some tea. Et là, la madame lui dit, je suis désolé, nous n'avons plus de billets pour Black Sabbath. Fait qu'il dit, non, pas pour Black Sabbath, pour Styx. Ah, oh, ça, j'en ai avant, c'est... C'est notre mentalité d'agriculteur retardé. Maintenu dans notre niaiserie pendant des années de corruption gouvernementale et de dictature cléricale. Syndical, bureaucratique. Moi, je suis mystifié de voir jusqu'à quel point on est cave. On dit si merci, ou si on dit fuck you. We'll be right back. Keep your eyes open and prick up your ears. Rest the loud as cry. And as for my breath, who would tell you how something is not love? Jethro Tull, le groupe de Ian Anderson, fondé en 1967 dans un autre nom de village là, pas prononçable, compliqué là, en Angleterre là, comme ils ont le tour de nous balancer. Check bien ça là. Luton, Bedfordshire, ben oui. Eh oui, je savais. En 1967, on a entendu de ce vinyle live Bursting Out en 1978. L'extrait No Lullaby, c'est un vinyle que j'ai choisi chez Vinyl Shop. Et les quatre pièces qu'on a entendues dans ce bloc, évidemment, consacré à cette chasse au vinyle post-breakfast la semaine dernière avec Simon Gérard et Mike TMG. Ces quatre pièces issues de quatre formations parmi celles dont on a choisi des disques, que ce soit chez Vinyl Shop ou chez Frisson sur Mont-Royal. Donc Jethro Tull, c'était un choix de moi-même, et puis avec la guitare heavy metal là-dedans et tout ça, c'est pas mal bien. Je veux-tu quoi d'autre à dire à propos de Jethro Tull? Pas nécessairement, toujours entouré de très bons musiciens, comme je disais, Martin Barr, John Evan, David Palmer, John Glasscock et Barrymore Barlow à la batterie. Avant ça, un autre vinyle dont je n'ai pu résister, hein? Une nuit comme une autre de Autre Chose, formation québécoise, qui fait paraître ce deuxième album le 8 octobre 1975 sur CBS, étiquette CBS. Ah ben, j'ai été obligé de choisir l'extrait de Nancy Beaudoin parce que c'est pas mal la toune la plus heavy avec une des autres sur l'album. Avec Lucien Francoeur, évidemment. Qu'est-ce que j'ai le vinyle ici, là? Bon. C'était quoi l'autre toune qui était... C'était-tu Hit and Run ou Ambulance Francoeur? Ben, j'aime pas mal toutes les pièces sur l'album. Vancouver, Une nuit comme une autre, Science Fiction, Comme à radio. Il y a Une saison en enfer aussi, Blue Jeans sur la plage. Bref, ouais, comme je disais, c'est mon premier autre chose en vinyle. Puisque, bon, je m'étais procuré, il y a quelques années, au lancement, le fameux coffret d'autre chose qui renfermait tous les albums en CD. Plus un concert au Jardin des Étoiles, évidemment. Alors, ouais. Puis, qu'est-ce d'autre dans ce bloc? Évidemment, le choix de Mike en termes de vinyle. Atheist avec Unquestionable Presence. On a entendu l'extrait Brains, dont il a choisi lui-même de faire jouer dans cette émission. Cet album qui est sorti en 1992. Oui, c'est le groupe de Sarasota qui en était à son troisième, non, de son deuxième album à ce moment-là. Évidemment, c'est séparu le 30 août 91 sur Active Records. C'est enregistré au Morris Sound. Et, ouais, que dire d'autre de cet album fabuleux, hein? Ouais, vraiment intemporel, je dirais. Et en début de bloc, Nuclear Assault, on a écouté Radiation Sickness de leur album Game Over de 1986. C'était un des choix de Simon durant cette semaine de magasinage de vinyle ici et là sur la planète Montréal. Nuclear Assault qui ont fait paraître cet album sur Combat Records le 7 octobre 86, le même jour que Ring in Blood de Slayer sur Def Jam, et également c'est le même qui est également le jour des funérailles de Cliff Burton et qui est également le jour où j'ai commencé officiellement à jouer de la guitare électrique. Si ça peut être pertinent pour vous, évidemment, comme information, je vous communique ça comme ça là. Et parlant d'informations, ben John Connelly, hein, le vocaliste, frontman, guitariste, a fêté ses 55 ans le 28 juillet dernier, mine de rien, et est accompagné évidemment d'Anthony Bramante, Daniel Alker et Glenn Evans sur cet album qui est enregistré au Pyramid Sound à Ithaca, hein, en mai 86, SOD, Testament Overkill, ouais. Au studio d'Ithaca, qui est là depuis 1974. Je ne sais pas s'il est encore là, Alex Perialas. Lui, qui est également directeur d'un programme de sound recording au collège à Ithaca, à l'État de New York, où je suis allé il y a quelques années. Hein, même moi et mon amie Catherine, la regrettée Catherine Ludwig, le Metal Maniacs, on est passé par là, juste en dessous, ce qui était le fameux studio. On est rentré dans le bâtisse, il y avait un magasin de musique annexé dans le même bâtiment, là. Mais non, j'en ai pas. Ça s'est arrêté là. Bref. Ouais, c'est. Ben, peut-être on n'a pas vu le fameux Alex. Bref. De bons souvenirs par rapport à cet album Game Over Nuclear. The Nuclear Assault également. Qu'on espère peut-être revoir en concert, sait-on jamais. La seule fois que je les ai vus en ce qui me concerne, c'était soit Heavy Montreal, c'était-tu en 2014, si je ne me trompe pas. Les années se suivent et se ressemblent, je ne suis pas certain. Mais c'était assez mémorable, quand même, comme choix de chanson et comme performance également. C'est vraiment cool. Et, ouais. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, ce petit bloc consacré à la chasse au vinyle avec Simon Girard et Mike TMG. Qui a eu lieu lors du fameux. Après le fameux Breakfast de la semaine dernière, épisode 94, que vous pouvez réécouter sur SoundCloud actuellement, évidemment. On va poursuivre en musique, on a le temps encore pour deux autres chansons. On s'en va dans le death metal, hein, après avoir trempé dans les années 70, dans le prog, le rock québécois comme ça. Ben. On s'en va du côté du death metal européen et américain. On va entendre Natrium, un groupe que je vous avais passé lors d'une des dernières épisodes, un groupe italien assez prometteur, qui faisait quelque chose entre Natron et Ateretic, là, sur les bars. Mais là, on va reculer un petit peu dans le temps avec eux, avec une pièce que je pense qui est leur deuxième album, Elegy for the Flesh. Oui, Natrium, c'était ça. C'est-tu le premier album, ça, Leji? Ouais. Oui, non, peut-être. Peut-être que oui. C'est le deuxième album où c'est paru en septembre 2011. On va entendre un extrait de l'album Energy for the Flesh. Mais d'abord, Incantation, une pièce du nouvel album Profane Nexus qu'on n'avait pas fait jouer encore cette année. Il est sorti, je pense, à la fin juillet sur Relapse. Non, c'est sorti il y a deux semaines, sur le 11 août sur Relapse. Incantation, ce groupe de Pennsylvanie, hein, qui est quand même là depuis 1989, mine de rien. Alors, on s'en va écouter tout de suite l'extrait Rites of the Locust. Ce nouvel album Profane Nexus de Incantation, qui sera de passage d'ailleurs bientôt ici en province, si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine déjà, ou dans deux semaines, Festival de la musique émergente à Rouyn-Noranda, avec, croyez-le ou non, Marduk. Alors, ils seront à Québec également, sûrement à Montréal aussi, je n'ai pas les dates devant moi, désolé, mais soyez avertis. Incantation, la subversion! Natrium, un groupe de Cagliari Sardinia, en Italie, qui font le death metal pas mal assez discordant et chaotique. On a entendu un extrait de leur deuxième album, Elegy for the Flesh, qui s'intitule Clinical Savagery. Et c'est un groupe que j'ai accroché sur le tard, faut dire, dernièrement, quand ils ont fait paraître, en juillet dernier, leur tout dernier Vertigo of Abjection. Qui est pas mal dans la même lignée, je dirais. Mais avec une petite touche, peut-être un petit peu plus, un peu plus de raffinement, disons, de la production. Et c'était précédé de Incantation, ces vétérans américains qui seront, comme je disais, en tournée ici en Amérique du Nord et au Québec également. Dans la tournée avec Marduk, à la tournée Front Shrine 2017. De deuxième partie de la tournée américaine avec Incantation et Abysmal Dawn en support. Et tout ça va se terminer, figurez-vous. Là, ça passe par Los Angeles, San Diego, le Texas, l'Illinois, Michigan, en tout cas Détroit, New York, Boston, Québec, Ottawa, Toronto et pas Montréal finalement, mais Rouyn-Noranda au petit théâtre. Incroyable, mais vrai. Le 3 septembre prochain, fameux dimanche de la fête du travail, comme d'habitude, les nuits métal au Festival de la musique, au FME, Festival de la musique émergente. Alors, ceux qui sont dans le coin, c'est un rendez-vous sans doute à ne pas manquer, c'est assez exceptionnel. Et Black Empire seront là également, formation locale, le black metal. Et pour notre part, que se passera-t-il? Pour moi-même, ce sera le Wings of Metal la semaine d'après, hein, le gros rendez-vous avec Voivod, Sacrifice, Diamond Head, Pagan Altar et tout ça. Et je jasais comme ça dans l'underground, comme ça, avec Annick Giroux, organisatrice de l'événement. Il est fort possible que je serai également à l'événement. J'étais posé Metal for Market. Le Metal Market, oui, cette convention de disques qui se déroulera aux catacombes le dimanche de ce même week-end du Wings of Metal, où on rencontrera d'ailleurs sûrement nos amis Bob Girard, entre autres, Mike TMG, tout ça. Et José avec Annie, comme ça, on va sûrement en faire un petit prélèvement de micro, titre soit d'entrevue ou de Vox Pop, des adeptes présents de vinyle et de métal old school. À part de ça, c'est pas mal ça. Sacred Rites la semaine d'après. La 100e émission de Subversion le 27 septembre. Et en octobre, il y a peut-être un Metal for Breakfast qui va se pointer à l'horizon. Possiblement avec notre ami Annick Giroux et Wayne Archibald. Ça, c'est pas confirmé, c'est encore en discussion. Mais l'idée, elle a été amenée. également en début novembre Aggression, de l'Ouest canadien, seront ici à Montréal et également à Trois-Rivières. Il y a d'autres dates, Sherbrooke aussi, je pense. Et puis, notre ami Denis Barthes, hein, Sasquatch, Aggression, membre fondateur, m'a fait état de son souhait de se rencontrer pour un Metal for Breakfast. Alors, la logistique le permet en deux concerts, on va probablement pouvoir faire un Metal for Breakfast avec justement un amateur, un des grands amateurs des Metal for Breakfast à subversion, Denis Barthes, Sasquatch. Alors, salut Denis, en passant. On va probablement se réunir avec Warren Archibald et pour cette occasion, sûrement. Depuis le temps qu'on en parle et qu'on fait nos salutations à Denis à chaque breakfast. Donc, c'est ça. C'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Revenez-nous la semaine prochaine pour un spécial consacré au 10e anniversaire des 25 ans de métal québécois, qui est un festival qui avait été organisé par Maurice Richard et qui s'était déroulé au Club Soda avec des ressuscitations de bandes, tout ça, Oblivion, DBC, Necrotic Mutation, The Affected, Soothsayer et compagnie. Probablement que plusieurs d'entre vous se rappellent de cet événement mémorable. Alors, c'est ça. Ce sera un spécial qui sera consacré à cet événement qui a eu lieu à pareille date, à la fin de semaine, la fête du travail, l'entour du 1er septembre 2007, avec des extraits d'entrevues exclusives pour appuyer le témoignage, en fait le reportage, le giga-reportage que je devrais être en mesure techniquement de vous concocter pour cet épisode de la semaine prochaine, l'épisode 96 de Subversion. Alors d'ici là, revenez-nous la semaine prochaine pour plus de musique subversive. Et n'oubliez pas, keep it metal. Salut!